on veut toujours plus de bif, gagner sa croûte et suivre la route, et quitte à baiser son prochain, mais tu n'en as rien à foutre. Tu vas voter pour un connard qui laisse les gens crever de faim, car il te rapporte des dollars, mais tu n'en as pas besoin. Tu penses d'abord au profit qui te soulage, car tu as peur, et si les autres sont dans la merde, c'est qu'ils méritent le malheur. Toi qui achètes un beau portable et toi qui regardes la télé, ne penses-tu pas que cet argent est plus utile pour faire manger? On veut toujours plus de bif, la populace comme l'État. Cet argent provient des guerres, de la maladie, du sida et des armes vendues en masse à un dictateur d'Afrique. L'histoire d'un business continue et toi tu y participes, car tu penses d'abord à ta gueule et les autres viendront après. Toi qui gagnes beaucoup trop par mois, tu vois, je crois que tu le sais. Quand tu vois tous ces gens qui crèvent, as-tu les couilles d'y penser? Quand tu te dis que ton salaire pourrait tous les sauver, on veut toujours plus de bif, et pour acheter quelques conneries, acheter des fringues que tu as vues dans un magazine de Barbie. Et même tu cours à tête haute et persuadé que tu es cool, mais tu es comme les autres et tu fais partie du moule. On veut toujours se croire bon, se persuader qu'on est un dieu, et si ton cerveau s'est trompé, tu vas vouloir fermer les yeux. Tu veux que je te parle nazi, de l'Algérie ou des croisades, au lieu de parler sur sa gueule, regarde-toi comme tu es fade. On veut toujours plus de bif, se persuader que c'est utile, comme ils l'ont dit dans le JT, dans un discours pour les débiles, pour tous les gens qui ne pensent pas. Regarde la télé, fait pour toi, pour tous les rêveurs anonymes, les synonymes de langue de bois, pour tous les fans de films cultes. Laisse-moi rêver de films de cul, un scénario aussi complexe que ton neurone va mettre perplexe. On essaye de te rendre con, et le pire c'est que tu crives, tu vas penser comme un mouton pour acheter du kiff. On veut toujours plus de bif, en avalant quelques bêtises, en se persuadant que le kiff se situe juste après le bise. Et qui t'a donné au loto, c'est plus utile, tu dois te dire. Mais c'est pas sûr que le clodo, ça va lui donner le sourire. C'est Robin qui est en pleurs et Rapia lui est rigolonné, car c'est le pauvre qui donne aux riches et le blindé joue au banquier. C'est le bon qui vole le mal et qui avale plein de chimères. Nous sommes des putes qui les enculent, qui volent le lait et tuent la mère. On veut toujours plus de bif et le virus gagne les beaufs. Et là-dessus, pas de vaccin, car c'est le pouvoir qui les bouffe. Entre l'iPhone et puis l'iPod qui tue la flore et puis la faune. Et mon peura n'a pas de prod, car c'est la cam qui fait la com. On veut toujours plus de C, pouvoir se repoudrer le nez d'alcool et d'héro dans le crâne, et puis du crack dans les neurones pour se faire passer pour héros. Toi qui en rêves depuis l'enfance, si tu étais mal dans ta peau, on ne mérite pas la vengeance.